La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce quatrième et dernier épisode de notre série d'émissions consacrée à Marguerite Yourcenar dans la compagnie des auteurs. Nous parlons aujourd'hui de son maître livre, Les Mémoires d'Adrien, au cours d'une émission enregistrée la semaine dernière au Forum Antique de Bavay et où se tient jusqu'au 30 août prochain l'exposition intitulée Marguerite Yourcenar et l'Empereur Adrien, une réécriture de l'Antiquité. Une exposition qui, par un jeu de miroir entre littérature et archéologie, fait l'aller-retour entre l'Adrien historique et celui que Marguerite Yourcenar a fait revivre dans le roman où elle avait, disait-elle, à la fois mis le plus d'elle-même et dont elle s'était aussi le plus effacée. Nous sommes donc ici au Forum Antique de Bavay avec trois invités. D'abord Véronique Bernard-Marie, bonjour. Bonjour. C'est vous qui nous recevez aujourd'hui puisque vous êtes la directrice du Forum Antique et la commissaire de cette exposition. Un mot peut-être sur ce lieu dans lequel on se trouve et que les auditeurs ne connaissent pas forcément. Alors c'est un lieu exceptionnel en France puisque c'est le plus grand forum romain découvert et donc le musée permet de comprendre ce forum et de découvrir tous les objets qui ont été excavés sur le site de Bavay et la ville de Bavay. Donc on ne sait pas forcément qu'il y avait des forums antiques aussi importants dans cet endroit de la France. On ne pense pas qu'ils soient allés tellement au-dessus de Paris, en fait. Oui. Tout l'Empire romain était doté de forums, de villes, et Bavay était l'une de ces villes importantes puisqu'elle était capitale de la cité des Nerviens, un grand territoire qui allait quasiment jusqu'à la frontière nord de l'Empire. Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, pour administrer ce grand territoire, on a construit un forum. Alors sans doute la ville de Bavay n'a-t-elle jamais été très importante en termes de population, mais il y avait ce grand bâtiment ici qui marquait la présence de Rome dans ce territoire éloigné de la capitale de l'Empire. Et vous avez décidé de consacrer l'une de vos expositions à Marguerite Yourcenar et en particulier évidemment à Mémoire d'Adrien, puisque le forum de Bavay a été détruit et reconstruit plusieurs fois, pas exactement sous Adrien, mais c'est une ville qui a eu son apogée à l'époque du deuxième siècle et du coup c'est vraiment intéressant de relire Mémoire d'Adrien pour mieux comprendre Bavay quelque part, puisque la société telle qu'elle est décrite dans Mémoire d'Adrien nous parle énormément ici à Bavay. Qu'est-ce que vous avez mieux compris finalement de ce lieu en relisant les Mémoires d'Adrien ? Vraiment, cette idée, on en reparlera, mais de la mémoire, du monument et de cette place de la construction d'édifices pour marquer son passage. Et c'est très fort chez Adrien, qui est cet empereur bâtisseur. Le forum, il n'en a pas du tout décidé la construction, mais c'est contemporain. Et je dirais que l'idée de construire un tel forum ici à Bavay est assez identique à l'idée que se fait Adrien du besoin de construire. Également, Hachmi Allé est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la villa départementale Marguerite Yourcenar, qui se trouve pas tout à fait à côté d'ici, mais pas très loin non plus. Oui, dans le département du Nord, en Flandre, au Mont-Noir, une heure de route. Et donc cette villa Marguerite Yourcenar, elle est sur le lieu où était érigé le château des Crayoncourt. Voilà, elle est érigée au Mont-Noir, donc où la famille possédait un grand domaine et où Marguerite Yourcenar a passé une partie de son enfance. Ils avaient un château qui a été détruit lors de la Première Guerre mondiale et c'est sur les ruines des écuries qu'après la guerre on a construit ce qui s'appelle aujourd'hui la Villa départementale Marguerite Yourcenar et qui est une résidence d'écrivains. Donc vous recevez une quinzaine d'écrivains tous les ans. On peut encore candidater pour cette année ? Pour cette année, ça vient malheureusement de terminer au 31 janvier, mais pour venir lors d'une année prochaine, voilà, on peut aller sur le site internet, récupérer un dossier. Voilà, pour venir écrire, j'allais dire, sous l'ombre tutélaire de Marguerite Yourcenar. On n'est pas obligé d'être particulièrement yourcenarien, vous acceptez tout le monde ? Non, non, il y a toutes sortes, d'ailleurs on a toutes sortes d'écrivains qui sont venus écrire sur le Mont-Noir à la Villa Marguerite Yourcenar. Je pense à des gens comme Sylvie Germain, Charles Juliette, François Tcheng de l'Académie française, Stéphano de Guy, beaucoup de gens sont venus voilà, trouver un lieu calme et inspirant pour écrire des romans, de la poésie, du théâtre. Également avec nous, Christine Wett von Kovenberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire romaine à l'université Lille 3 et vous vous intéressez, pas seulement, mais aussi à l'histoire de la vie d'Adrien. Oui, tout à fait, de cet empereur du IIe siècle, donc de la période de l'apogée de l'Empire romain. Et vous avez participé à l'exposition que nous allons visiter. Alors tout à fait, depuis 4 ans, nous travaillons justement sur ce projet et nous collaborons justement ensemble pour que celui-ci donne cette magnifique exposition que nous vous présentons. Alors Hachmi Alé, nous sommes ici devant la porte de l'exposition et on peut voir toutes les traductions, alors sûrement pas toutes, hein, parce qu'il y en a énormément, de cet ouvrage qui est l'ouvrage le plus célèbre de Marguerite Yourcenar, Mémoire d'Adrien. Oui, en fait, Mémoire d'Adrien, ce jour, je crois qu'il a été traduit à une quarantaine de langues. Là, en fait, on a voulu justement montrer la diversité en mettant une sorte de mosaïque de mur avec les couvertures pour montrer que ce livre publié en 1951, tout de suite, a eu une reconnaissance à la fois nationale, publique, mais très vite à l'étranger, il a été traduit, il est devenu une sorte le chef-d'œuvre de Marguerite Yourcenar dans toutes les cultures. Et voilà, on a voulu montrer aussi le rayonnement de cet écrivain français à travers ce livre Mémoire d'Adrien. Elle-même n'était pas connue avant de publier ce livre. Marguerite Yourcenar était déjà un écrivain, pas connu du grand public, mais déjà tout à fait respecté. À partir des années 20, elle publie à la fois de la poésie. En 1929, elle publie son premier roman, qui est tout de même remarqué, Alexis ou le traité du vin combat. Dans les années 30, elle publie divers livres de nouvelles et autres. Voilà, elle est connue, j'allais dire, des Happy Few. C'était Marguerite Yourcenar, un écrivain pour Happy Few. Paul Morand, Mauriac, d'autres écrivains avaient dit la qualité de cet écrivain. Edmond Jaloux, comme grand critique aussi, avait dit la naissance. Mais elle n'avait pas eu encore cette reconnaissance, j'allais dire, grand public, avec des prix, des grandes traductions, qu'elle a eu en 51, quand est sorti Mémoire d'Adrien. Mais quand elle écrit son livre, elle se dit, ah bah voilà, encore un livre qui ne va pas marcher. Au fur et à mesure que j'écris ce livre, je me rends compte que c'est un livre qui n'est pas grand public une fois de plus. Mais ça c'est un peu une particularité de Marguerite Yourcenar, c'est que elle s'imprègne tellement profondément dans l'histoire, dans la mémoire, etc. Elle dit régulièrement dans les entretiens tout au long de sa vie qu'elle pense écrire pour quelques personnes. Et donc elle dit qu'elle a été la première surprise quand, tout de suite après la sortie, le livre est devenu un best-seller, etc. Et comment vous expliquez ça ? Parce que on a ici les couvertures de ce livre traduit dans le monde entier. Certaines des couvertures ressemblent à des péplums. Enfin, on est dans un genre qui est quand même extrêmement populaire pour certaines d'entre elles. Comment vous expliquez le succès relativement quand même populaire de ce livre-là ? C'est déjà l'entreprise de Marguerite Yourcenar était tout à fait particulière pour une femme se mettre dans la peau de. C'est aussi le mode de narration. C'est une autobiographie imaginaire. C'est Marguerite Yourcenar qui se met dans la peau de l'empereur Adrien pour raconter son histoire, faire un bilan de sa vie et tout ça. Déjà la forme a touché les gens, le côté très de proximité. Ensuite, j'allais dire, il y a aussi quand il sort en 51, les thématiques que aborde Marguerite Yourcenar à travers l'empereur d'Adrien, c'est des thématiques qui sont aussi très contemporaines. On est sorti de la guerre. Il y a aussi une recherche de stabilité au niveau, c'est le moment où la Société des Nations a été créée, etc. On sort de la barbarie et j'allais dire l'exemple d'Adrien. Adrien, on l'a dit, c'est un empereur bâtisseur. C'est aussi un empereur pacificateur, après Trajan, qui avait mené des guerres, etc. Lui, c'est un empereur humaniste. Donc, quelque part, On a bien vu, et Yourcenar le dit clairement, quand elle parle, qu'elle choisit un empereur du deuxième siècle après Jésus-Christ, c'est qu'elle veut parler d'aujourd'hui. Et elle l'a réussi parce qu'on s'est senti touché. Puis aussi, pour parler de culture populaire, il y a cette belle histoire d'amour. Elle met au cœur de ce roman l'histoire d'un empereur qui tombe amoureux d'un éphèbe, etc., avec une mort tragique, etc. En fait, elle réussit cette espèce de tour de force qui est de mêler une extrême érudition avec en même temps une extrême proximité. On a le sentiment qu'on est vraiment très proche d'Adrien et très proche de la vie quotidienne et évidemment aussi des pensées d'Adrien. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment sa grande réussite. C'est cette proximité. C'est le fait qu'elle nous fait rentrer, on n'a pas l'habitude de rentrer quand même dans l'intimité. Il y a eu avant des romans historiques. Yourcenar, d'ailleurs, n'aimait pas du tout ce terme de roman historique. Elle dit, je n'ai jamais écrit de roman historique qui ont pris Néron, d'autres figures et tout ça, mais d'une façon un peu, haute et comme ça. Alors, elle, voilà, on est avec lui. D'ailleurs, le personnage qui parle, le personnage qui écrit à Marc Aurèle, le fameux « Mon cher Marc », c'est quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui est à la fin de sa vie, c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui va voir son médecin, etc., et qui sent sa mort prochaine et qui dit « je veux laisser un message ». Donc ce personnage, on est quasiment dans la vie, dans la trivialité, aussi dans la sensualité. Et puis après, Adrien, c'est aussi les voyages, c'est tout un tas de choses qui va toucher tout un chacun. Et Yourcenar le raconte vraiment de façon tout à fait intime et de proximité. Et enfin, également avec nous, Christophe Hugo, vous êtes bibliothécaire à l'Université de Lille et vous vous êtes plus particulièrement intéressé à la question de la bibliothèque imaginaire. On en parlera un peu plus loin dans l'exposition. Quel a été finalement votre rôle en particulier? Parce que j'imagine que la documentation, pour ce qui concerne Marguerite Yourcenar et ce roman en particulier, est extrêmement importante. Et donc le fait que vous soyez bibliothécaire a dû apporter cela à l'exposition. Oui, j'ai été bien aidé. Marguerite Yourcenar a laissé à la fin de Mémoire d'Adrien 5-6 pages qu'a pu lui concéder son éditeur, le premier, les éditions Plomb. 5-6 pages de notes bibliographiques où elle dit quelles sont les sources qui l'ont inspirée. Alors, évidemment, les deux principales sources étant des sources antiques, la vie d'Adrien dans l'histoire Auguste et puis les histoires du Dion Cassius. Mais elle s'est intéressée à l'historiographie moderne, même contemporaine des travaux qu'elle a pu faire. Hein. Et donc, elle a distribué sur 5-6 pages à peu près 130 références. Donc on va reparler de ça quand on parlera des sources, mais je voulais quand même vous saluer et vous dire bonjour au début de cette émission. Alors l'exposition, Véronique Bernard-Marie, cette exposition, elle est dans la lignée d'une autre exposition qui a eu lieu à Rome, c'était en 2013, à la Villa Adriana. Et la Villa Adriana, c'est évidemment de là que tout est parti. Oui, et on a pu aller voir cette exposition et travailler avec la Villa d'Adrien. Alors malheureusement, cela n'a pas pu se concrétiser par des prêts d'objets dans le cadre de l'exposition, puisque la Villa d'Adrien est en pleine réorganisation actuellement, mais on a pu établir un pont avec cette exposition et du coup aussi mettre en avant certains documents, parce qu'on les avait vus à la Villa d'Adrien. Notamment les classeurs de cartes postales de Petite Plaisance étaient aussi très bien présentés là-bas. Et l'autre exposition qui nous a aussi accompagnés dans la genèse de celle-ci, c'est l'exposition sur Adrien qui a été créée au British Museum il y a quelques années, mais qui était vraiment consacrée là qu'à l'empereur Adrien. Et donc on réalise une nouveauté puisque c'est vraiment la rencontre et d'Adrien et des mémoires d'Adrien. Alors 5 sections thématiques dans cette exposition, Véronique Bernard-Marie, l'homme soucieux de sa mémoire, l'homme politique, l'empereur bâtisseur, l'esthète et le culte d'Antinous, c'est ça? Oui, c'est ça. Et avec, en termes de conclusion, aussi un hommage à toutes les réutilisations de mémoire d'Adrien aujourd'hui dans la culture populaire. Et l'idée, c'était vraiment, à travers le prisme de mémoire d'Adrien, de s'attarder sur chacune des facettes de la vie de l'empereur Adrien et de mieux le comprendre. Et c'est pour ça que chaque section, chaque thématique de l'exposition s'appuie sur une citation de mémoire d'Adrien qui finalement donne le ton et nous donne la vision de Marguerite Yourcenar sur la vie d'Adrien, mais qui nous permet aussi de mieux comprendre comment cela fonctionnait. Alors nous allons passer à l'intérieur de la première page des mémoires d'Adrien. C'est là où vous avez décidé de fabriquer une porte à partir de cette première page. Donc on rentre dans le livre voilà, comme cela. C'était vraiment l'idée de faire rentrer le visiteur dans l'ouvrage au sens propre et au sens figuré. Et ça fonctionne pas si mal. Et donc on est accueilli par ces trois mots, mon cher Marc. Et on sait tout de suite qu'on est dans Mémoire d'Adrien. Alors, mon cher Marc, c'est qui ? C'est Marc Aurèle, le fils adoptif d'Adrien, qui lui succédera. Et finalement, c'est une sorte de testament que lui adresse Adrien. Mon cher Marc, je suis descendu ce matin chez mon médecin Hermogène, qui vient de rentrer à la villa après un assez long voyage en Asie. L'examen devait se faire à jeun. Nous avions pris rendez-vous pour les premières heures de la matinée. Je me suis couché sur un lit après m'être dépouillé de mon manteau et de ma tunique. Je t'épargne des détails qui te seraient aussi désagréables qu'à moi-même. Et la description du corps d'un homme qui avance en âge et s'apprête à mourir d'une hydropisie du cœur. Donc mon cher Marc, c'est pour Marc Aurèle, Hashmi Ale, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ce livre est construit et pourquoi est-ce que, au fond, c'est une lettre à Marc Aurèle ? En fait, la genèse de Mémoire d'Adrien, c'est vraiment une longue histoire parce que c'est un livre. J'allais dire le projet de ce livre, il court quasiment sur un quart de siècle. Marguerite Yourcenar, elle a l'idée d'écrire sur l'empereur Adrien, mais elle ne sait pas encore sous quelle forme. En 1924, quand avec son père, elle visite justement la villa Adriana, et elle a vraiment un choc esthétique autour de ce lieu, et elle se met tout de suite à se documenter sur Adrien. Elle fait dans les années 20 plusieurs essais sous la forme de dialogues, la forme de nez, c'est elle trouve pas la forme, donc c'est vraiment un projet qu'elle va écrire, détruire. Yourcenar, elle a raconté qu'elle a beaucoup détruit des manuscrits, etc. Elle reprend ça quand elle part aux États-Unis. Elle va travailler en 1937 à la bibliothèque de l'université de Yale. Et là, elle fait vraiment de grandes recherches en se disant « je vais mener à bien ce livre » qu'elle abandonne à nouveau. C'est la période de la guerre. Elle a d'autres choses à faire. C'est une période pour Yourcenar où elle s'exile aux États-Unis, où elle est plutôt moralement assez bas. Enfin, voilà. On peut le comprendre vu l'histoire. Et c'est après la guerre, au début de 49, qu'elle finalement, par une malle qui lui aurait été renvoyée de Suisse, elle retrouve des documents dont elle ne se souvenait plus, a-t-elle raconté ensuite. Et c'est là où elle retrouve des feuillets qu'elle aurait écrits en 1937 et qui commencent par ce « Mon cher Marc ». Et c'est à ce moment-là qu'elle se souvient qu'elle avait pensé à la forme épistolaire, que pour son roman, pour trouver la forme qui convienne, à la fin de sa vie, faire le bilan de sa vie, Adrien s'adresse au jeune Marc Aurèle, et pour lui servir, j'allais dire, lui donner l'exemple de sa vie, mais aussi de sa gloire, de ses faiblesses, etc. Avant même la visite de la villa Adriana, donc elle a quoi, 22, 23 ans, ou même 21 ans quand elle va à la villa. Avec son père, cette villa, voilà. Donc à Tivoli, à côté de Rome. Oui, exactement. Mais avant cela, elle s'était déjà intéressée à Antinous et à Adrien. Oui, on trouve des traces dans la biographie de Marguerite. Tout ça, on peut dire que la première rencontre avec l'empereur Adrien s'est faite à Londres. Yourcenar avait 11 ans, c'est au début de la Première Guerre mondiale. Juste au début de la guerre, avec son père et sa petite famille, ils étaient partis s'exiler. Ils étaient dans le nord de la France, je crois, au Mont-Noir. Ils sont partis après la déclaration de guerre à Londres. Et là, à Londres, elle va avec sa gouvernante visiter les musées, etc. Et bien sûr, elle va visiter le British Museum. Et à un moment donné, elle se trouve devant un buste d'Adrien qui est très célèbre, qui est magnifique, qui a été retrouvé au milieu du 19e siècle dans la Tamise. Et c'est là où elle dit que pour la première fois, elle va voir l'empereur. Voilà. Alors à ce moment-là, elle a 11 ans. Je pense qu'elle n'imagine pas qu'elle va un jour écrire sur ce personnage, mais c'est un premier point de contact. Et des années après, on va retrouver une nouvelle trace dans sa poésie, puisque Yourcenar était une jeune fille qui écrit de la poésie. D'ailleurs, les premiers livres de Yourcenar, les deux premiers livres, sont des recueils de poèmes. On a trouvé un poème qu'elle a écrit, elle devait avoir 15-16 ans, donc quelques années après, qui s'appelle « L'apparition ». elle n'avait pas encore visité la Villa Adriana et elle imagine une statue d'Antinous qui apparaît à Tibur. Enfin, c'est une sorte de sonnet tout à fait adolescent. Et on voit, voilà, petitement, ce cheminement qui va de ce buste vu à Londres, de ce poème écrit à l'adolescence, de la visite de la Villa Adriana en 24. Petit à petit, Adrien va devenir le personnage qui va être au centre de sa vie. Donc Antinous qui sera l'amant de Adrien quelques années plus tard et dont elle avait pensé faire le narrateur de son histoire. Au départ, oui. Elle a fait un essai où c'était Antinous qui exactement. Racontait. D'ailleurs, elle propose, on a retrouvé Josiane Savigno dans sa biographie, rappelle qu'on a retrouvé aux éditions Fasquelle une lettre de Marguerite Duras. Elle faisait un projet, c'était la vie d'Antinous. Parce que là, justement, il y avait le côté aussi tout à fait romantique, elle était beaucoup plus jeune. Ça, elle s'est dit, je vais prendre, j'allais dire, la vie d'Adrien à partir de son amour, etc. Le projet a été refusé, donc elle a abandonné ça. Et voilà, petit à petit, on est arrivé à la fameuse lettre. Et donc, alors, dans cette exposition, Véronique Bernard-Marie, on peut donc admirer, envoyer rien moins que par le British Museum, le buste d'Adrien, donc celui qui était tombé dans la Tamise, ou bon, peut-être une copie. Oui, c'est une copie, là. Ainsi que un grand buste, Un grand buste que le Louvre vous a prêté d'Antinous. Qui vient du Louvre, donc l'Antinous Mondragon, qui vient de la collection Borghese et qu'on a accueilli avec grand honneur et grand soin, puisque c'est une pièce exceptionnelle qui ne quitte pas les salles d'exposition permanentes habituellement. Mais voilà, dans le cadre de l'exposition, nous avons pu l'accueillir. Et puis nous avons aussi un buste d'Adrien qui vient du Louvre, qui est positionné là au cœur de l'exposition et qui regarde son monde et qui est en connexion visuelle avec Antinous, avec Marc Aurèle. Voilà, il est en dialogue avec tous les personnages de sa vie. Et puis plein d'autres objets intéressants, comme par exemple cette médaille qui appartenait à Marguerite Yourcenar. Oui, cette médaille qui est étonnante. Alors c'est un aureus, une monnaie en or représentant Adrien, et Marguerite Yourcenar la portait à son cou lorsqu'elle est rentrée à l'Académie française. Elle avait refusé de porter l'épée traditionnelle, puisque c'était un symbole dans lequel elle ne se reconnaissait pas. Et donc, elle avait porté cette médaille. Et à la fin de sa vie, Jean-Pierre Corteggiani, grand égyptologue, qui était son ami, qui l'avait emmené à Antinoé, la ville créée par Adrien pour la mémoire d'Antinous. Jean-Pierre Corteggiani se trouve à Petite Plaisance. Et juste avant de partir, elle cherche partout dans la maison cette médaille pour lui montrer. Et au final, elle lui glisse dans la main, et voilà, c'était un cadeau d'au revoir ou d'adieu, et du coup il a gentiment accepté de nous la prêter dans le cadre de l'exposition. Alors, tout en parlant, nous avons un petit peu progressé dans l'exposition. Nous sommes ici à côté de documents photographiques qui ont appartenu à Marguerite Yourcenar, qui sont dans des classeurs, Véronique Bernard-Marie. Oui, ce sont des classeurs qui sont conservés aujourd'hui donc à Petite Plaisance dans la résidence de Marguerite Yourcenar. Il y en a plusieurs. Ici, nous n'en avons que deux, l'un consacré à Adrien, l'autre à Antinous. Et donc, ça fait partie de la documentation visuelle de Marguerite Yourcenar pour travailler sur Mémoire d'Adrien, mais pour travailler aussi sur tout sujet de ces différents ouvrages. Il n'y en a pas que pour Mémoire d'Adrien. Ici, on a choisi, en plus, de permettre aux visiteurs de les feuilleter, certes virtuellement, mais le visiteur peut les parcourir et voir finalement quel imaginaire elle s'est créée autour de ces deux personnages d'histoire et comment ils sont sans doute devenus très familiers pour elle. Alors ça nous permet peut-être, Hachmi Allais, de comprendre mieux comment travaillait justement Marguerite Yourcenar, parce que elle avait un mode d'écriture, vous nous l'expliquez dans le catalogue de l'exposition, qui est un mode d'écriture mixte, qui allie recherche historique avec, dites-vous, une méthode de délire. Donc ça veut dire qu'elle feuilletait ça et puis elle délirait, c'est ça que vous voulez dire? Je ne sais pas si le délire était lié au fait de feuilleter les albums. Les albums sont une source. Marguerite a une imagination visuelle. On se rend compte que la documentation, bien sûr, elle lit beaucoup. beaucoup, elle se documente beaucoup, il y a des dates, il y a les historiens, les poètes, etc. Mais aussi l'iconographie, c'est très important pour Marguerite Yourcenar. Après les méthodes de lire, c'est elle qui en a parlé. C'est-à-dire que il y a la partie pour elle historique, érudite, de recherche, mais pour atteindre ce qu'elle appelait elle-même cette magie sympathique, le fait d'entrer dans un personnage comme elle l'a fait pour Adrien, pour le recréer de l'intérieur, à un moment donné, il faut lâcher prise et se laisser inspirer par lui, etc. Marguerite Yourcenar était quelqu'un qui était fasciné par la culture bouddhiste. Elle pratiquait une sorte de yoga respiratoire. Elle utilise beaucoup de choses et pour écrire Mémotonienne, par moment, elle s'est servie de ces méthodes-là, voilà qu'on peut dire des méthodes de délire, d'imagination créatrice. Quelquefois, j'allais dire, elle a même dit qu'elle écrivait sous forme d'écriture automatique. Mais du coup, elle jetait beaucoup, parce qu'elle écrivait beaucoup. Dans la nuit, exactement. Un peu en transe, et puis exactement. Le matin, c'était quand elle a retrouvé sa, j'allais dire, une inspiration, diurne, normale, elle reprenait ses notes, et elle dit qu'elle a jeté beaucoup de choses, mais aussi il y a des fulgurances qui sont sorties de là. On a souvent l'image d'une Marguerite Yourcenar tellement rationnelle, tellement historienne, etc. Oui, elle se passionnait, mais il faut pas oublier que Mémoire d'Adrien, c'est aussi une reconstitution tout à fait de l'ordre de la fiction, du romanesque, de l'invention de l'écriture, etc. Christophe Hugo, sur les sources précisément qui ont permis à Marguerite Yourcenar d'écrire Mémoire d'Adrien. Vous avez recherché un petit peu quel était son corpus. Il faut dire qu'elle travaillait à partir d'une bibliothèque mentale. Oui, elle a essayé de retrouver la bibliothèque intérieure d'Adrien. Elle sait le latin et le grec depuis très jeune. Elle apprend vers 10-11 ans ces deux langues. Elle lit des classiques très jeune. Et donc, elle a pu déjà incorporer les lectures qu'avait Adrien. Qu'est-ce que ça veut dire incorporer la bibliothèque d'Adrien? C'est-à-dire qu'elle a vraiment recherché les livres, elle a vraiment lu ce qu'Adrien avait lu en son temps? Oui, elle a lu ce qui nous reste de la littérature classique. Et comme on sait qu'Adrien lisait de tout, ça les sources antiques nous le disent, forcément, ce qu'elle a lu des grands auteurs classiques, Adrien les avait lus. Et donc, elle se nourrit d'abord de ses sources antiques. Et, comme je disais tout à l'heure, elle se nourrit aussi de l'historiographie extrêmement récente. Alors, dans l'exposition, on a pu, ici, dans le laboratoire de la création, remettre des ouvrages qu'elle dit avoir utilisés. Donc, ce sont les éditions qu'elle a utilisé. Alors, ce ne sont pas les livres qui lui appartenaient. Ceux-là, ils viennent de l'Université de Lille. Ce sont vraiment les mêmes. Mais ce sont les mêmes éditions, oui. Et donc, il y en a ici dans le laboratoire de la création. Et puis, de manière disséminée en fonction des thématiques, on retrouve les livres qu'elle a utilisés et dont elle parle. Quand vous dites le laboratoire de la création, c'est donc l'intitulé de cette première salle, oui, au fond de l'exposition. Adrien, c'était un homme de lettres, un homme qui aimait les bibliothèques aussi. C'est un homme qui, oui, il lisait beaucoup. Ça, les sources nous le disent. Il écrivait. Et alors, il écrivait et il lisait de la poésie, mais pas seulement. On le disait tout à l'heure, la Seconde Guerre mondiale a sans doute été un événement marquant dans la manière où Marguerite Yourcenar a pensé son empereur. Au début, sans doute, elle devait plus imaginer l'esthète et puis l'amant. On lui a reproché peut-être, ouais, peut-être. Et de puis trop favoriser l'esthète sur l'homme politique. Mais elle en a fait, elle le dit elle-même, Adrien est un grand commis et elle en a fait une figure politique importante. Et donc, il ne fait pas que lire de la poésie ou en écrire. C'est un homme d'État et donc il lit des rapports, il lit de la correspondance, il écrit beaucoup, il écrit ses propres discours, il voyage énormément, donc il fait des discours. On a ici des reproductions notamment d'un discours qu'il a prononcé à Lambèze. Trajan, lui, ne faisait pas ses discours lui-même. Non, Trajan n'écrivait pas ses discours, Adrien notamment les lui écrivait, mais... Lui, les sources nous disent qu'il écrivait ses discours, oui. Cet homme, pourtant si fin, m'a débité de vagues formules de réconfort trop banales pour tromper personne. Il sait combien je hais ce genre d'imposture, mais on n'a pas impunément exercé la médecine pendant plus de 30 ans. Je pardonne à ce bon serviteur cette tentative pour me cacher ma mort. Hermogène est savant, il est même sage. Sa probité est bien supérieure à celle d'un vulgaire médecin de cour. J'aurais pour lot d'être le plus soigné des malades. Mais nul ne peut dépasser les limites prescrites. Mes jambes enflées ne me soutiennent plus pendant les longues cérémonies romaines. Je suffoque et j'ai 60 ans. Vous écoutez toujours La Compagnie des auteurs et nous parlons de Marguerite Yourcenar et de son livre Les Mémoires d'Adrien, ici au Forum Antique de Bavay, où se tient jusqu'à fin août l'exposition Marguerite Yourcenar et l'Empereur Adrien, une réécriture de l'Antiquité. Et c'est peut-être le moment de parler justement un peu plus précisément de cet empereur, Christine Wett von Covenberg. Adrien, cet empereur qui régna de 117 à 138, et en qui Marguerite Yourcenar voyait l'archétype de la sagesse antique. Oui, de la sagesse antique, peut-être pas complètement, mais en tout cas, effectivement, d'une certaine philosophie du pouvoir, la philosophie stoïcienne, hein, puisque depuis Auguste, la philosophie stoïcienne est la philosophie officielle des empereurs, à savoir qu'il faut gouverner, parce que, justement, il faut faire le bien de ses concitoyens et non pas essayer de gouverner pour ses propres ambitions. Alors ça, c'est le point commun qui existe, justement, entre Adrien et Marc Aurèle. Donc Marc Aurèle, qui est son petit-fils adoptif, et Marc Aurèle, qu'on appelle aussi l'empereur stoïcien, l'empereur philosophe. Donc c'est... Adrien n'a pas eu d'enfant avec Sabine, donc son épouse. Alors il l'a épousée très jeune. Lui-même avait 24 ans, elle 14. Nous sommes en 100. Et on est dans la même famille, en quelque sorte, puisque les aristocrates se marient entre eux. Et ainsi, ils sont quasiment élevés ensemble dans la maison de Trajan et de Plotine. Trajan qui devient empereur, justement, avant Adrien, donc entre 98 et 117. Et cette famille reste très unie, puisque dès l'âge de 10 ans, Adrien vit dans cette maison. Il a pour tuteur l'empereur Trajan et il le suit partout. Et en particulier, il a une formation, Adrien, une formation militaire très importante, très solide. Il accompagne Trajan dans ses batailles. Et en particulier, Trajan mène une très grande conquête, qui est la conquête de la Dacie. En 101-102, voilà, c'est ça, vers la Roumanie, en 101-102 et 105-106, Adrien fait partie de l'état-major, Adrien l'accompagne et Adrien reçoit aussi, bien sûr, toutes les preuves de l'empereur Trajan, de sa bravoure au combat. Alors, Hachemi Hallé, on vient d'avoir ici un morceau d'histoire. Quand vous lisez les mémoires d'Adrien, est-ce que vous retrouvez l'histoire ou est-ce que vous trouvez un document qui n'est pas un document historique mais qui relève totalement de la littérature ? Alors, personnellement, il se trouve que moi, je suis un littéraire avant tout et que je connais, j'allais dire, j'ai découvert l'histoire antique grâce à Marguerite Yourcenar quand j'ai lu au lycée Mémoire d'Adrien, mais je peux pas dire que je suis un expert pour vérifier. Bon, j'ai lu beaucoup d'études autour de cela, mais moi, Mémoire d'Adrien, c'est vraiment un roman, c'est une recréation de l'histoire, c'est une méditation. Yourcenar disait aussi que son livre tenait à la fois de l'essai et du poème et que c'était avant tout une méditation sur l'histoire, une rêverie. Mais tout de même, et là je me retourne vers vous, Christine Oet von Covenberg, vous qui avez le regard de l'historienne, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la véracité historique de ce que nous explique Yourcenar dans Mémoire d'Adrien ? Alors, Marguerite Yourcenar nous explique aussi dans ses carnets de notes un petit peu sa méthode de travail. On l'a déjà rappelé. Et ce qu'elle dit, c'est que elle dit il faut tout apprendre, tout lire, s'informer de tout. Et effectivement, elle fait à la base un travail d'historienne, hein, ça c'est clair. Et on peut prendre un exemple tout à fait précis, à savoir que elle travaille avec les sources antiques. On a parlé de l'histoire Auguste. Et si on prend la naissance d'Adrien, l'histoire Auguste nous dit que Adrien est né à Rome. Si on regarde les autres sources, eh bien les autres sources nous disent qu'Adrien est né à Italica, donc dans le sud de l'Espagne actuelle, de l'Hispanie, de la province province de Bétique à cette époque-là, et Marguerite Yourcenar donc d'amener les sources à la surface tout en essayant de les concilier. Et justement, nous avons un panneau où on a repris cette volonté de concilier les choses. La fiction officielle, je cite Marguerite Yourcenar, veut qu'un empereur romain naisse à Rome, mais c'est à Italica que je suis née, c'est à ce pays sec et pourtant fertile que j'ai superposé plus tard tant de régions du monde. La fiction a du bon, elle prouve que les décisions de l'esprit et de la volonté prime les circonstances. Alors, elle nous dit d'ailleurs après que finalement, la patrie, peu importe que ce soit Rome ou que ce soit Italica, puisque la patrie, on en revient à sa patrie à elle, et la patrie de l'empereur, ce sont les livres. Oui, mais ce travail, du coup, extrêmement documenté, extrêmement sensible, permet finalement d'entrer dans la tête d'un personnage historique, est-ce qu'il vous semble valable pour comprendre l'époque ? Alors justement, c'est les historiens sont tous admiratifs justement du travail réalisé par Marguerite Yourcenar, parce que non seulement elle a travaillé à partir des sources littéraires, on en a déjà beaucoup parlé, mais si on se tourne vers le panneau qui est derrière vous, c'est justement, elle a utilisé absolument toutes les sources possibles. On a parlé des portraits tout à l'heure d'Antinoüs, mais il y a aussi toute la documentation épigraphique, c'est-à-dire tout ce qui a été inscrit dans l'Empire. Et justement, je parlais tout à l'heure d'apogée de l'Empire, on est à une période où on grave beaucoup sur les monuments, et donc on a une documentation épigraphique extrêmement abondante, ce qui nous permet justement de confronter à la fois les sources littéraires, ces sources de premier choix épigraphiques, et justement ce que Marguerite Yourcenar en fait. Et donc, par exemple, le Cursus Honorum d'Adrien, c'est-à-dire sa carrière sénatoriale, est connu par une inscription que l'on a retrouvée à Athènes, puisque Adrien est envoyé justement pour parfaire sa formation. On a évoqué tout à l'heure le fait que Marguerite Yourcenar a appris le latin et le grec. Eh bien, Adrien, bien sûr, sa langue maternelle, c'est le latin, mais Adrien, lui aussi, est parfaitement bilingue. Et pendant un an, en 111-112, eh bien, il est à Athènes, il fait une année complète à Athènes, et là, il découvre la ville qu'il adore. Donc ça, c'est également un point commun entre Marguerite Yourcenar et Adrien. Ils sont tombés amoureux de la Grèce, et cela s'exprime vraiment de façon extrêmement prononcée. Et Marguerite Yourcenar a parfaitement connaissance de cette inscription. Elle la complète avec un extrait de l'histoire Auguste et elle nous donne donc la carrière d'Adrien. Adrien, sur cette inscription que l'on voit, a été archonte à Athènes, c'est-à-dire que il a assumé la magistrature supérieure de la ville d'Athènes, et Athènes et le reste de la Grèce le reconnaît véritablement comme un amoureux de la Grèce, avec un titre bien précis, celui de Philhellène. Alors ça n'est pas forcément apprécié partout, et en particulier à Rome même, où là on se moque un peu de lui, puisqu'on l'appelle Graeculus, c'est-à-dire le petit grec. Alors ça, forcément, on comprend tout de suite la connotation un peu péjorative de cela, puisque à Rome, on reste très mos maior, c'est-à-dire dans la tradition des ancêtres, avec une vision latine très conservatrice. Oui, mais pour vous, Hachmi Alès, c'est plutôt un compliment, le petit grec. je ne sais pas si le terme de petit peut être un compliment. Le grec, alors. Le grec, voilà. C'est vrai que, voilà, et c'est vrai que c'est une proximité avec Marguerite Yourcenar. Je crois que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles elle s'est intéressée à Adrien. C'est vraiment cet empereur romain, Philhellène, voilà, elle qui a eu cette même passion. Aimant les voyages. Voilà, il y a beaucoup de points communs entre Marguerite Yourcenar et Adrien. Et c'est vrai que l'amour des voyages, la découverte de l'ailleurs, l'idée aussi de repousser les frontières le plus loin possible, bien que Adrien, lui, il a mis des frontières, il a voulu stabiliser son empire. Mais pour Yourcenar, enfin, le côté des frontières, elle disait je rêverais d'un monde sans frontières. Il y a aussi cette idée d'une grande liberté que pouvaient représenter aussi les différentes provinces. province de l'Empire romain à l'époque. Alors, le grand œuvre d'Adrien, c'est beaucoup le mur d'Adrien. Est-ce qu'elle en parle beaucoup dans les mémoires d'Adrien? Mais elle évoque, bien sûr, parce que c'est une, j'allais dire, là, c'est vraiment l'idée de l'homme politique qui, comme je l'ai dit, va stabiliser, va essayer d'apaiser les conflits entre les barbares d'un côté et puis la civilisation de l'Empire romain. Donc, bien sûr, pour elle, ça fait partie de l'œuvre de bâtisseur. Construire, avoir l'idée de construire un mur qui va traverser comme ça, d'une côte à l'autre, le nord de l'Angleterre, voilà, c'était aussi quelque chose d'exceptionnel pour l'époque. Il dit que c'est une villa en réduction avec des mini-thermes et tout le confort. Et qu'Adrien venait ici pour s'isoler. Tu vois, alors il passait sur l'île, il levait le pont-levis et il était seul au monde pour méditer. Mais il dit que c'est la version romantique et qu'en réalité, il y en a qui pensent qu'il venait là pour se faire masser par des femmes pour ensuite se faire enculer. Bah, l'un n'empêche pas l'autre. On va lui filer du milieu. Il est gentil, mais je préfère qu'on reste les deux, d'accord? D'accord. Merci. Oh, grazie. Grazie. On va par là. T'as lu les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar? Non. En fait, le début, je crois que ça se passe là. Enfin, peut-être ça s'est passé là. Il va mourir. Il sait qu'il va mourir et il écrit à un de ses amis. Et en fait, il est à poil avec son médecin et il dit à son ami, c'est difficile d'être un empereur quand on est devant son médecin. Ça commence comme ça. Hachmi Alay, avançons encore avec vous dans cette exposition. On va devoir passer devant de très nombreux objets sur lesquels il aurait fallu s'arrêter, mais on est évidemment attiré par ce gigantesque, pas gigantesque, mais grand buste d'Antinous que vous aimez, je crois, particulièrement. Oui, j'aime beaucoup Yourcenar. Je l'aime beaucoup. J'ai appris à le découvrir grâce à Yourcenar. Yourcenar aimait beaucoup donc ce buste d'Antinous Mondragon qui est donc conservé au Louvre. Dans les années 80, enfin, c'est un buste qu'elle aimait beaucoup. Yourcenar avait demandé de visiter les réserves parce qu'à l'époque il était dans les réserves du Louvre pour le voir. Et c'est vrai que quand on a commencé à travailler sur l'exposition, c'était un de mes rêves. J'ai dit lors d'une réunion, ce serait magnifique si on peut avoir ce très beau buste d'Antinous, et voilà, il est ici, et je crois que c'est une des pièces qui va vraiment plaire aux visiteurs, qui est tout à fait exceptionnelle. Racontez-nous peut-être l'histoire d'Adrien et d'Antinous. Mais bien sûr, voilà, c'est l'histoire d'amour du roman, c'est la rencontre entre un empereur et un éphèbe originaire d'Asie Mineure, un jeune homme, et l'empereur va tomber amoureux de cet éphèbe. Il va suivre pendant plusieurs années. Enfin, on a peu de renseignements tout à fait historiques sur. On sait qu'Antinous était tout à fait jeune, peut-être entre 14 et 15 ans, quand il a rencontré l'empereur. Il est mort à peu près à 20 ans. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est exactement suicidé. Il est mort noyé dans le Nil. Justement, Yourcenar, dans le roman, est-ce que ça a été un suicide, une noyade accidentelle, une sorte de rite, etc. Pareil, les historiens ont émis plusieurs hypothèses et Yourcenar joue autour de ça, mais c'est un personnage qui a été, l'amour d'Adrien pour Antinous, c'est pas ce qui a choqué à l'époque les Romains, parce que les empereurs romains, avaient des amours divers et variés, bisexuels, etc. C'est que l'empereur ait porté le deuil. Ce qui a choqué, c'est qu'après la mort du jeune Antinous, il ait porté le deuil, qu'il ait divinisé, qu'il ait créé un culte sur toutes les provinces. Et ce qu'on veut montrer aussi dans cette partie, c'est qu'à la fois, il y a une passion et puis il y a un culte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le personnage d'Antinous, c'est sans doute le personnage de l'Antiquité dont on a le plus grand nombre de représentations sous forme de statues, sous forme à l'effigie des monnaies, sous forme de bustes, etc. Mais du coup, on ne peut pas se poser la question de la biographie pour Marguerite Yourcenar, qui a écrit avant les mémoires d'Adrien des livres sur l'homosexualité, qui elle-même était bisexuelle, et donc on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure elle s'investit elle-même dans la relation entre Adrien et Antinous, même si vraisemblablement elle aurait dit que ce n'était pas le cas. Mais vous, quel est votre avis? En fait, ben le rapport à l'homosexualité, plutôt c'est vrai à la bisexualité, c'est une sorte de fascination, c'est une réalité de sa vie, et c'est aussi ce qu'on, il y a plusieurs personnages de Marguerite Yourcenar qui sont des bisexuels ou des homosexuels. Bon, il y a l'exemple de Alexis ou le Trait du vieux combat, c'est une sorte de coming out, l'un des premiers coming out de la littérature française. Ce personnage, voilà, c'est vraiment une proximité. Avec Gide, plus tard on aura le personnage de Zénon qui est bisexuel, qui est aussi, mais c'est surtout des hommes au-delà de ça, des hommes libres, la recherche d'une liberté, voilà, d'être anti, contre les conventions, et j'allais dire l'hétérosexualité normative pour Marguerite Yourcenar, c'est une convention, et elle refuse, comme elle refuse toutes les frontières. Quant à la sensualité, etc., elle les refuse aussi. Dans l'exemple de, et je crois que ce qui a fasciné Yourcenar, c'est au-delà de l'amour entre guillemets romantique avant la date, c'est peut-être aussi le sacrifice. Yourcenar, elle est très attachée à la question du sacrifice, puisqu'on a dit que Antinous s'est sacrifié pour l'empereur, etc. Et ensuite le fait que ce personnage va devenir un personnage culte. Je crois que c'est là l'histoire aussi qui l'a peut-être intéressée. Donc c'est un romancier queer, alors Marguerite Yourcenar est considérée comme queer? Mais je veux dire, là, au moment où j'allais dire Mémoire d'Adrien est sorti, la culture queer n'était pas encore, j'allais dire, à la mode, mais les mouvements homosexuels, je pense à la revue Arcadie qui existait dans les années 50, tout de suite ont pris ce roman-là comme une sorte d'hommage, et c'est pour ça que Yourcenar, voilà, elle recevait beaucoup de courriers de jeunes homos qui disaient, voilà, j'ai découvert que justement on pouvait montrer une sorte de passion homosexuel, etc. Ces dernières années, c'est vrai que la culture queer, mais qui est surtout anglo-saxonne, a pris Mémoire d'Adrien comme un livre historique. Il y a eu justement un ancien conservateur du British Museum, Richard Parkinson, qui a écrit un très beau livre à travers montrer la culture gay à travers l'histoire de l'art, et la couverture, c'est le profil d'Antinous, le profil d'Adrien, et il y a toute la conclusion, c'est autour de Marguerite Yourcenar comme romancière queer. Christine Wett von Govenberg, il y a aussi un passage intéressant, qui est même plus qu'un passage en fait dans les mémoires d'Adrien, c'est tout son rapport à l'initiation à Eleusis, qu'on ne comprend pas forcément si on n'a pas un petit peu d'explication sur c'est normal, le contexte. C'est normal, c'est un mystère. Alors, racontez-nous ce mystère. Ce sont des mystères. C'est-à-dire que dans la religion grecque, il y a des rites initiatiques qui sont liés à certaines divinité et là Déméter hein, et c'est des rites de fécondité bien sûr, et donc c'est à Athènes et c'est à l'occasion justement d'un de ces passages à Athènes qu'il se fait initier au mystère d'Eleusis. Je ne sais pas ce que c'est que cette initiation, on n'en saura pas secret, plus. Voilà, effectivement, eh bien on a un myste, c'est-à-dire quelqu'un qui est présenté justement face à ce mystère et qui devient de ce fait par le rite initié. Mais pourquoi c'est si important dans le roman ? Je pense que c'est en relation étroite avec l'amour de la Grèce et le fait que Adrien, quand il se déplace, il le fait constamment accompagné d'artistes, d'artisans, et à chaque fois qu'il se rend dans un endroit en particulier en Grèce, il demande à connaître toute l'histoire locale et en particulier l'histoire religieuse. Donc il a une soif ici de savoir ce que sont ces rites, ce que sont ces divinités, et il fait réparer des temples, il fait réparer des sanctuaires, et effectivement, il apprécie tout particulièrement cette culture grecque. Ashmi Aley. Je crois que aussi Ursenard était elle-même fascinée par tout ce qui était rites, sociétés secrètes, et dans l'activité, dans l'Antiquité, il y en avait pas mal. Donc je crois que pour elle aussi, c'est pour ça que le mystère d'Eleusis, elle a écrit d'ailleurs des poèmes autour de ce thème-là. C'est un thème qui la fascine, parce que justement, comme l'a dit Christine, on ne sait pas, c'est secret, c'est une sorte d'initiation, et je crois que ça l'intéressait. Elle parle d'autres pratiques d'ailleurs secrètes, lorsque Adrien est aux armées, la fameuse aspersion de sang autour de Mitra, etc. Donc c'est quelque chose qui pour elle, ça l'intéressait beaucoup ce côté-là. Nous allons terminer cette émission, si vous le voulez bien, Véronique Bernard-Marie, dans la dernière partie de cette exposition, dans laquelle vous avez souhaité rassembler un certain nombre d'œuvres qui sont des adaptations ou des prolongements de l'œuvre de Marguerite Yourcenar. Oui, et c'était manière de montrer que Mémoire d'Adrien est vraiment rentrée dans la culture populaire, parce que certes, on y retrouve des œuvres d'artistes contemporains qui se sont inspirés d'Adrien pour créer des sculptures, comme l'artiste italienne Paola Crema, mais on a aussi vraiment des choses de notre culture à tous, puisqu'on a des exemples de citations de Mémoire d'Adrien dans une bande dessinée de Jacques Martin, dans un manga, le manga Termae Romae, qui est typiquement japonais, mais qui s'inspire beaucoup de Mémoire d'Adrien. On retrouve des extraits du film de Xavier Beauvois, N'oublie pas que tu vas mourir, qui a été tourné pour partie à la villa d'Adrien. On a cette belle visite entre Chiara Mastroianni et Xavier Beauvois lui-même à la villa d'Adrien. Dont la scène est donc rediffusée dans l'exposition. Une chorégraphie, voilà, c'est le ballet d'Antinoüs à la villa d'Adrien. Et puis, en manière de clin d'œil, un sketch des Deschiens qui met en regard les mémoires de Poulidor et les mémoires d'Adrien. Voilà aussi. Voilà, on peut se parfumer. C'est assez rare, une expo parfumée. Eh bien, on peut se parfumer parce que la maison de parfum Nick Goutal a créé un parfum qui s'appelle Eau d'Adrien et qui a été créé en hommage à Mémoire d'Adrien et qui a des senteurs qui sont censées évoquer les voyages de l'empereur. Tu nous fais chier à lire, toi. C'est que tu nous fais chier à lire tout le temps. Je te signale que ton père te parle. Hein? Qui nous fait chier à lire tout le temps? Qui c'est quoi son... Yourcenar, Adrien, c'est quoi ça? C'est quoi ton Adrien? C'est un empereur romain. Yourcenar, c'est un empereur romain? Mais non, Adrien... Oui, hein, ça va, hein? T'as qu'à répondre aussi. Hein? Qui c'est qui a taillé la haie, là? Qui c'est qui a taillé... C'est ton Yourcenar qui a taillé la haie? Bon, alors... Dis donc, il en a combien des livres? Il en a combien des livres? Il n'a que ça, des livres. Partout, alors... Hein? J'ai acheté les mémoires de Poulidor, il n'a même pas lu. Tu n'as même pas lu ce que t'as acheté ton père. Est-ce que tu as lu les mémoires de Poulidor? Non, c'est pas au programme à l'école. C'est pas au programme à l'école. Ça non plus, c'est pas au programme, dis donc. Tiens, alors. Ça en plus. Ah, mais dis donc. Alors, Poulidor, voilà un gars qui a commencé à 13 ans. Hein? Il a commencé à travailler à 13 ans. Bon, ben, écoutes quand on essaie de t'éduquer. Il a commencé à 13 ans. Son père, il a acheté un vélo, c'était son premier vélo, il le dit. Hein. Il faisait tous les jours 10 km pour aller au travail, 10 km pour revenir, c'est ça qui a donné l'idée. Hein? Et ben, il n'a pas arrêté de faire de la bicyclette, hein? Et il est devenu un champion, un os du guide. Et ton Yourcenar, il a gagné le Tour de France? Ben non, mais Poulidor non plus. Non. Yourcenar, est-ce qu'il a gagné le Tour de France? Mais c'est une femme. Et Jeannie Longo, c'est pas une femme? Jeannie Longo, c'est pas une femme. Ah, il va me dire que Jeannie Longo, c'est pas une femme. C'est pas une femme, Jeannie Longo! Oh, putain! Dis, alors! Alors, il nous fait chier jusqu'au bac, hein! Fait chier jusqu'au bac, ça, je... Ah, ça, il nous fera chier. On n'est pas sorti de l'auberge. Et à 15h54 sur France Culture, c'est le moment de retrouver notre séquence de lecture de poésie. Toute la semaine, Jacques Bonafé vous propose d'entendre des textes de Jacques Darras, poète actuel très actif, très coloré, refusant la tristesse inconsolable, la plainte répétée ou la tiédeur. Il se réclame des poètes médiévaux et c'est aujourd'hui le dernier moment que nous passons dans sa compagnie. Bonjour. La poésie, dit Jacques Darras, est la décision de nommer les choses. On retrouve Sonny Laboutancy. Il n'est jamais de poésie que déclarative. Il n'est de poésie que dans la déclaration d'amour que nous faisons au nom aimé par la parole ou par le chant. Nous disons l'indiscipline de l'eau, anthologie personnelle qui vient de sortir, et nous la dirons avec Louise Clavis le 9 mars à la Maison de la Poésie à Paris. Ici, nommé Namur. Mon tribut à l'Oise. J'aime l'Oise, la rivière Oise. J'aime les rivières dont le nom est fait de voyelles, presque unanimement de voyelles. Avez-vous déjà remarqué comme les rivières françaises étaient voyelles, toutes voyelles, comme si le temps se solidifiait liquide en elles, comme s'il se solubilisait en terre fluide identifiable, cheminant selon les pentes propices de la géographie, comme s'il allait de lui-même à l'eau, à la mer océane, par la fluidité des voyelles qui sont dans nos bouches, qui sont l'image de l'eau dans nos bouches, qui sont un reflet pour les solidités de la terre dans nos bouches. Les voyelles, salive soluble, salée à peine. Prenons l'heure. L'heure est un exemple d'évidence presque trop facile. Le nom de l'heure coule de source. L'heure est une rivière tout en E muet, doublement. Le U dans heure ne s'entend pas, étant noyé dans le. Heure, c'est E deux fois, au commencement puis à la fin. Pourtant, ça n'est pas deux fois le même E. Pourtant, c'est la même heure. Tranquille, dans le cadre de ces deux rives, écoutez comme l'inaudible U travaille dès le début, comme il allonge invisiblement le parcours de la rivière, comme il la fait se détourner à la réflexion de son image d'elle-même réfléchie, comme il la fait devenir silencieuse à force de méditation. Voyelle méditative, toujours en l'heure passeront ensemble l'eau et le temps mêlés. Et je me laisse porter vers une chanson, une marche, qui est dédiée à Niki de Saint-Phal. Ventre de la mer, ventre de la terre, nous naviguons de ventre à ventre, ventre de la nuit, ventre du néant, nous naviguons, ventre devant, nos intestins sont les témoins que notre tête n'est pas première, ni qu'est dernier, notre dernière, qui est le ventre, mais à l'envers. Nous avons l'air qui est au ciel, qui est si bleu, quand il fait beau, dans nos poumons, dans nos boyaux. Nous sommes de l'air, dans une peau, nous sommes de l'eau, dans de la chair. Crevez ces camps, crève le pot, qui contient l'eau, qui contient l'air, qu'outre le jour de la lumière, nous naviguons, dématés pour le dévoilement qui nous attend, changeant de ventre, rentrant en terre, irons-nous vers un contenant, un continent du tout au tout, réordonné par la lumière, pour la lumière, nous enveloppant, devant, derrière, figure et yeux, au ventre, au dos, laissons le sac dans quoi nous sommes se démailler, progressivement, nous défilant sur les coutures, ventre debout, ventre dedans, glissons, glissons, dans l'eau du temps. Parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare. Jacques Bonafé, lisez des poèmes de Jacques Darras dans la compagnie des auteurs. Dernier épisode de notre semaine consacrée à Marguerite Yourcenar. Encore merci à nos invités d'aujourd'hui, Véronique Bernard-Marie, Ashmi Allais, Christine Oet von Kovenberg et Christophe Hugo. Cette émission peut être réécoutée en podcast sur le site internet de France Culture. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux et Twitter. Yeah.